journée de bonne humeur avec le Morning. Morning en ce lundi, lors des dernières Grammy Awards, la cérémonie qui récompense les stars de la musique, Adele a remporté le Grammy de la meilleure prestation pop solo pour Easy On Me. À l'instant, c'était Send My Love, parce qu'il y a de l'amour dans les points de vente, et là, il y a de l'info avec l'ami Olivier. Le Morning 100% terrain. Le dernier message que j'ai à vous communiquer à présent, c'est un message de la catégorie des fruits et légumes et ça concerne des pommes de terre ratées et pompadour. Précisément, c'est au sujet des ratées pompadour de notre marque itinéraire de nos régions. Des pommes de terre dont le conditionnement va changer. Effectivement, un retravail de leur packaging est en cours pour donner tout simplement davantage de visibilité à nos pommes de terre ratées pompadour itinéraires de nos régions. Alors en attendant, d'ici que leur nouveau pack soit disponible et afin également d'impacter le moins possible les ventes sur ces références, sachez que ces ratées pompadour vous sont également proposées en marque fournisseur dans un conditionnement sachets de 1 kg. En rayon, pensez à détenir et à commander ces sachets de pommes de terre ratées pompadour en marque fournisseur. Voilà pour cette dernière petite information terrain. Il me reste donc à vous donner rendez-vous demain et à vous souhaiter une bonne journée. Bonne journée, bon courage. Le Morning. Eh ben merci Olivier, bonne journée à toi aussi évidemment, et on se retrouve demain dès 6h pour un nouveau morning et des infos toutes fraîches. La musique continue, Charlie Pousse dans un instant nous parlera ou nous chantera plus exactement Marvin Gaye, mais là c'est Zazie. Just like they say in the song. Marvin Gaye and get it on. Ooh, baby, I got that healing that you want, yeah. Like they say in the songs, on to the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. Let's Marvin Gaye and get it on. Et on commence ce chrono par une opération de boulangerie-pâtisserie, c'est celle des mises en avant du mois de mai. Une opération du mois de mai qui comporte une sélection de produits complémentaires avec différentes thématiques de boulangerie-pâtisserie. Et vous avez jusqu'à lundi prochain, jusqu'au 20 février, donc pour commander ces offres de boulangerie-pâtisserie du mois de mai. À prendre en compte également ce qui se passe au rayon des boissons. Rayon des boissons où les références du cocktail du mois sont à mettre en avant. Ce sont celles du cocktail Cosmopolitan, un cocktail dont la couleur rose est parfaitement adaptée pour célébrer demain la fête de la Saint-Valentin. Et puis n'oubliez pas que le décagnotage de la carte de fidélité est en cours pour les euros cumulés l'an dernier sur la carte en 2022. Eh bien, en point de vente, pensez à prévenir le client qu'il a jusqu'au 28 février inclus pour dépenser donc ces euros cagnotés l'an dernier. Et dans votre intranet, on vous donne davantage de précisions au sujet de cette procédure de remise à zéro de la carte de fidélité. Le morning. Aujourd'hui, c'est donc le 13 février. Aujourd'hui, les Béatrices sont à l'honneur. Je salue toutes les Béas qui nous écoutent dans les points de vente. La musique, elle vous est dédiée, tiens, pour les prochaines minutes. Louise Attaque, et là tout de suite, les Rolling Stones. No! chercher la radio. Le Morning. Tu veux marcher, il y aura toujours beaucoup plus loin. Tu veux parler, tu veux crier, on ne comprendra rien. Tu veux chercher, tu ne trouveras point. Tu voudrais t'envoler, éviter les chemins. Donner aux autres, il n'y aura pas de moi. J'ai la frousse du moindre petit retard. De dire bonjour, au revoir. La frousse de t'embrasser ce soir. De ne plus sauter dans les flaques, l'espoir. De perdre le fil détaché. De vivre à côté, que tout soit gâché. La frousse du faire le moindre mètre. Sans aimer, empêcher, disparaître. La frousse du moindre petit mot. Celui qui arrive toujours trop tard ou trop tôt. Je crois qu'on ressent tous les secousses. En fait, je crois qu'on a toujours la frousse. Tu veux voguer, il y aura toujours beaucoup plus loin. Tu veux crier ou chuchoter, on ne comprendra rien. Tu veux trouver, tu ne chercheras point. J'ai la force de voir ce qu'il faut voir. Qu'on vient le jour quand t'arrive le soir. La force de me réveiller dans le noir. De ne plus rêver d'être champion du monde de victoire. La force du moindre petit geste. D'être empêché, remplacé, disparaître. La force de la moindre rencontre. D'être celui qui est pour, qui est contre. La force de la moindre goutte d'eau. Qui arrive de la mer, du ciel, oui d'en haut. Je crois qu'on ressent tous les secousses. En fait, je crois qu'on a toujours la frousse. Je ne les comprends pas. Je regarde en l'air. Je regarde les toits. Et je m'imagine juste tout près de toi. Si la frousse me fond dans le brouillard. Du moindre détour des autres, du hasard. La frousse te perd la mémoire. De ne plus courir sous la pluie dans le square. La frousse du moindre petit mot. Celui qui arrive toujours trop tard ou trop tôt. Je crois qu'on ressent tous les secousses. En fait, je crois qu'on a toujours la frousse. Le Morning. Eh ben ça y est, monsieur et dame, on est arrivé au terme du Morning de ce lundi. Alors pas de retour pour internet, désolé. Bon bah écoutez, ce sera réparé dans la journée. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous joindre à nous, si vous avez envie d'écouter un morceau, de nous faire un coucou, de vous faire plaisir et vous de saluer un collègue, hein, une seule adresse, je vous la rappelle, pour nous envoyer vos demandes par mail ce matin avant midi pour demain, lemag@mousquetaire.com. Et demain, je vous le rappelle, mais ai-je besoin de vous le rappeler, c'est la Saint-Valentin, bien sûr. Vous pouvez donc nous envoyer des petites dédicaces pour votre amoureux ou votre amoureuse, les amis. On se quitte avec une dernière dédicace qui a été sauvée donc avant le petit bug. Laetitia, c'est elle qui est concernée. Laetitia et toute l'équipe Intermarché de Carmo. Elle nous propose, Laetitia, d'écouter Daniel Potter avec le fameux Bad Day. Et ben c'est comme ça qu'on se quitte, en espérant que ce jour ne sera pas pour vous un Bad Day, évidemment, et qu'on se retrouve en pleine forme demain. En tout cas, on sera là, nous, dès 6h avec l'ami Olivier pour un nouveau Morning. Passez un bon lundi, plein de courage et à demain. Le Morning.

Radio vous souhaite une bonne journée. I'm so cold, comfort, come for me. It's 3 a.m. on fevery. Help me, God, to heal my pain. I don't really want to marry Jane. Oh là là là, et si le problème était moi? Si j'ai mal, c'est du mal à parler. Oh, quand on aime, si le dire est un problème, finir seul, faut pas s'étonner. We'll keep it simple. Emmurer nos émotions. Parfois, ma foi, les gens le font. À la fin, au fond, tout ça fait qu'on a mal, on a de l'âme en chantier. Ooh la la la, from my chimney to my tie. Avec notre carte de fidélité, nous allons vous donner une raison de plus de mieux manger. You begin me thinking somebody.

playing with my heart. Chez la radio. Appelle, tu gagnes, que déjà tu perds. Appelle, t'arrives et déjà tu repars. En 24 heures, tu fais le tour de la terre. En un quart d'heure, tu peux devenir une star. Un feu rouge dit pourquoi t'es vénère. Tu te presses, mais pour aller nulle part. Tu regardes les fusées dans les airs. Tu vas vite, mais t'es tout le temps en retard. À quoi ça sert? Tout s'accélère. Tout le monde court après le temps. À quoi ça sert? Tout s'accélère. Tu peux changer le mouvement. Fais un pas de côté. Un pas de côté. Un pas de côté. Juste un pas de côté. Un pas de côté. Un pas de côté. Juste un pas de côté. À peine on s'aime et déjà on se quitte. Pas si facile de suivre le rythme. On court mais on court dans le vide. Le cerveau tourne comme une usine. Toi t'essaies de suivre la lumière. De jamais regarder en arrière. De penser danser plus vite que ton ombre. T'as rien vu mais t'as fait le tour du monde. À quoi ça sert? Tout s'accélère. Tout le monde court après le temps. À quoi ça sert? Tout s'accélère. Tu peux changer le mouvement. Fais un pas de côté. Un pas de côté. Un pas de côté. Juste un pas de côté. Un pas de côté. Un pas de côté. Juste un pas de côté. Juste un pas de côté. Un pas, un peu de place. Laisse un peu d'espace. Un pas, un peu de place. Laisse un peu d'espace. Un pas, un peu de place. Laisse un peu d'espace. Un pas, un peu de place. Un pas de côté. Un pas de côté. Un pas de côté. Juste un pas de côté. Un pas.

Sans oublier les tubes d'Intermarché, la radio. We'll be right back.

I don't know what to do. point sur l'actu. Bonjour à tous. Avis aux retardataires, les automobilistes auront un peu plus de temps pour réclamer l'indemnité carburant de 100 euros. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé ce matin que le dispositif allait être prolongé jusqu'à fin mars au lieu de fin février. Du nouveau dans l'enquête autour de l'accident dans lequel est impliqué Pierre Palmade, de la drogue a été retrouvée au domicile du comédien après une perquisition menée hier. On le rappelle, l'humoriste était sous l'emprise de la cocaïne lorsqu'il a percuté avec sa voiture le véhicule d'une famille vendredi en Seine-et-Marne. Une semaine pour convaincre. Dès 16h cet après-midi, les débats reprennent à l'Assemblée nationale autour de la réforme des retraites. Une réforme encore très loin de faire l'unanimité. Les députés ont jusqu'à vendredi pour examiner des dizaines d'articles et des milliers d'amendements avant de transmettre le texte au Sénat. Et puis c'était l'événement sportif de la nuit, le Super Bowl, la finale du championnat de football américain. Une finale remportée par les Chiefs de Kansas City, 38-35 face aux Eagles de Philadelphie. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. À boire leur premier café pour faire grand. À ceux qui se retrouvaient en tachycardie et la deuxième tasse. Et à ceux qui savent maintenant différencier un café colombien d'un café éthiopien. On sent beaucoup plus l'arabica, c'est flagrant, hein. Dès mardi, Intermarché offre 34% en avantage carte sur les dosettes de café classique Senseo, soit 4,61€ les 60 dosettes, avantage carte déduit. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 26 février, 6,99€ prix payé, soit 16,80€ le kilo. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras à les sucrés. La sélection de la semaine pour vous aider à manger un peu mieux tous les jours. Cette semaine, Vous allez vous régaler au rayon charcuterie traditionnelle. Et oui, les terrines pommes d'amour ou aux pommes et au calvados sont à 15,50 € le kilo. Et la mortadelle avec pistache et le saucisson sec nature sont à 18,50 € le kilo. Des offres alléchantes qui n'attendent plus que vous dans les Intermarchés participants. Terrines transformées en Belgique, mortadelle transformée en Italie. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Intermarché, à vos côtés tous les jours pour vous aider à manger un peu mieux en variant votre alimentation. Bélier, faites plaisir à votre tendre moitié et concoctez-vous des soirées rien que pour vous deux. Taureau, soyez inventif et imaginatif pour surprendre l'élu de votre cœur. Vous vous souviendrez avec émotion de ces moments magiques. Gémeaux, faites des concessions au bureau afin de rétablir une atmosphère plus détendue. Cancer, vous êtes sur des charbons ardents, prêts à conquérir le monde, mais vous ne pouvez pas le faire tout seul. Lion, si vous travaillez en équipe, soyez plus conciliant avec vos collaborateurs. Vierge, vous dépassez vos limites. Accordez-vous des plages de repos. Vous avez besoin de décompresser avant tout. Balance, c'est un vrai retour de flamme dans votre cœur. Profitez-en sans modération. Scorpion, vous savourez les plaisirs de la vie à deux. Vénus veille sur votre couple avec les yeux de l'amour. Sagittaire, avis aux célibataires. Tout est possible, vous avez de sérieuses chances de rencontrer votre alter ego. Capricorne, multipliez les sorties et acceptez toutes les invitations de vos amis. Verseau, votre charme fait des ravages. Vous êtes porté par le vent de la séduction. Poisson, ne vous lancez pas maintenant dans de nouvelles entreprises. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous. Even though it's only church where we were going. I'm still holding on to everything that's dead and gone. J'imagine encore ton rire s'envoler comme un écho. Now you're in the stars and 6 feet's never felt so far. Pendant que nos souvenirs se changent en larmes sur ma peau. Oh, j'ai mal, j'ai peur de rester seul dans. Alors je laisse mourir mon cœur. And left the rest in pieces. Des millions de gens, mais je ne veux que toi. Même sur les photos, j'entends ta voix. Mais ce qu'il y a de pire, c'est ta main. Dorment avec des chaussettes, à ceux carrément qui tirent sur leurs manches pour se couvrir les mains, à ceux qui disent aussi « on mettrait pas un peu de chauffage là ?» et à ceux qui ne laissent jamais leurs pieds dépasser du plaid. Pour les frileux, dès mardi chez Intermarché, la veste zippée bimatière longboard adulte, dans laquelle il fait pile poil la bonne température, est à seulement 19,99€ au lieu de 39,99€. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Différents coloris, 84 480 pièces disponibles, modalité sur intermarché.com. La sélection de la semaine pour vous aider à manger un peu mieux tous les jours. Zut! Vous avez oublié la Saint-Valentin? Heureusement, chez Intermarché, on a prévu le coup. En rayon fleurs et plantes, les bouquets bulles de 5 roses rouges gros boutons avec feuillage dans un sac déco spécial Saint-Valentin sont à 19,99€. Alors profitez de cette offre pour l'élu de votre cœur ou pour vous faire plaisir dans les Intermarchés participants. Pour votre santé, bougez plus. Intermarché, à vos côtés tous les jours pour vous aider à manger un peu mieux en variant votre alimentation. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Chandelier, we're dancing all La radio. fièvre prend fin. M'aimeras-tu demain? À tous ceux pour qui le petit-déj est un moment paisible et sacré, où l'odeur du café vous dit bonjour et le bruit du grille-pain se mêle au chant des oiseaux. Et à ceux qui ont des enfants. Dès mardi chez Intermarché, pour l'achat d'une recharge de 260 grammes de Ricoré à 4,45 euros, la deuxième est à moins 60%, soit 1,78 euros. Valable sur un grand choix de produits pour le petit déjeuner, en magasin, au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 26 février, 11,98 euros le kilo au lot, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras à les sucrés. La sélection de la semaine pour vous aider à manger un peu mieux tous les jours. Avez-vous vu les bons produits qui vous attendent au rayon traiteur traditionnel? Cette semaine, les bols de 320 grammes de fromage à tartiflette et lardons ou raclette et jambon speck sont à 5,90 euros au rayon frais emballé. Et pour une entrée réussie, au rayon à la coupe, laissez-vous tenter par le pâté en croûte au canard et pistache à 9,99 euros le kilo. Régalez-vous dans les Intermarchés participants transformés en France. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Intermarché, à vos côtés tous les jours pour vous aider à manger un peu mieux en variant votre alimentation. Se sont forcés à boire leur premier café pour faire grand. À ceux qui se retrouvaient en tachycardie et la deuxième tasse. Et à ceux qui savent maintenant différencier un café colombien d'un café éthiopien. On sent beaucoup plus l'arabica, c'est flagrant, hein. Dès mardi, Intermarché offre 34% en avantage carte sur les dosettes de café classique Senseo, soit 4,61 euros les 60 dosettes, avantage carte déduit. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 26 février, 6,99 euros prix payé, soit 16,80 euros le kilo. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. La sélection de la semaine pour vous aider à manger un peu mieux tous les jours. Cette semaine, au rayon fromage traditionnel, les briques de Loubressac, brebis ou chèvre de 200 grammes sont à 3,70€. Et pour une offre à déguster à deux, nous vous proposons au rayon frais emballé un plateau de 185 grammes composé d'un Saint-Marcellin, d'un Rocamadour, d'un Palais d'Écosse, d'une mini-bûche de chèvre à 4€. 4 petits fromages. Origine France, à partager. Profitez-en dans les Intermarchés participants. Intermarché, à vos côtés tous les jours pour vous aider à manger un peu mieux en variant votre alimentation. Elle regarde ma main, elle s'accorde une pause. J'appelle à mon destin, mon cœur lourd se repose. Je ne sens que le bien et le mal se suppose, le lien. Elle remonte trop loin, les souvenirs s'essoufflent. Je trouve un peu de moi dans cette vie sur ces routes. C'est comme au bord d'un rien que le lien me revient enfin. Et je crie pour demain. Et je crie pour demain. Le temps sera encore ensoleillé aujourd'hui. Un beau ciel bleu ce matin sur la majeure partie du pays. Quelques grisailles, un ciel voilé toutefois en matinée sur le tiers nord du pays. Mais au fil de la journée, les nuages devraient laisser place à un beau soleil. Les températures ce matin comptaient entre 1 et 3 degrés en général. Entre 4 et 6 degrés sur la pointe bretonne et dans le sud. Jusqu'à 8 degrés sur la côte d'Azur et en Corse. Dans l'après-midi, il fera entre 8 et 13 degrés sur la moitié nord. Et entre 12 et 18 degrés pour la moitié sud. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't.

À demain, ce que vous devez faire depuis un an. Jusqu'au 9 avril, votre Intermarché vous propose une large sélection d'outils Black & Decker à 1 euro en collectionnant les vignettes en magasin et sur le drive. Profitez-en. Offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité Intermarché. Symphony will make so sing. Déj est un moment paisible et sacré, où l'odeur du café vous dit bonjour et le bruit du grille-pain se mêle au chant des oiseaux. Et à ceux qui ont des enfants.

when I look at you in your eyes. I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes. I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try. Sur l'actu. Bonjour à tous. Deux passagers toujours recherchés dans l'affaire de l'accident impliquant Pierre Palmade. Ils étaient dans la voiture du comédien lorsque celui-ci, sous l'emprise de la cocaïne, a percuté un autre véhicule vendredi en Seine-et-Marne. Le ministère de l'Intérieur appelle les deux fuyards à se rendre. Semaine décisive à l'Assemblée. Les débats reprennent aujourd'hui autour de